La solidarité pour moi, c'est venir en aide aux autres personnes, aider les autres. Citoyen, c'est agir pour la communauté dont on fait partie. Bah, protéger l'environnement, on nous a donné une terre, donc il faut la respecter et faire en sorte qu'elle dure longtemps et pour tout le monde. Entraide, la solidarité veut dire l'entraide. Pour moi, la citoyenneté, c'est... Participer à la vie, l'entraide Vas-y, plus haut, change ta vie, demain ta partie relève le défi. Vas-y, plus haut, être solidaire, demain ta partie relève le défi. Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on fera demain. Chacun à toi les citoyens. Au creux de ses mains, les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. En train de me plaindre, retranché dans mon entêtement. On dit que demain t'appartient, mais demain c'est quoi? Demain c'est rien, tu sais, pour moi demain c'est loin. On vit au jour le jour, jusqu'au jour on t'excuse. Vexé comme lorsqu'une ex t'exclut sans les excuses. Aujourd'hui nous fait du mal, faut que demain pardonne. Alpha, tu sois avec toi, ça change déjà la donne. Change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vis plus haut. J'en suis certain, bâtir un empire pour les enfants qui naîtront.